Ouais, presque. Bon, bah, je vous remercie vraiment beaucoup pour ce test, hein, qui est bon, déjà d'ores et déjà assez instructif pour moi. Et puis, bon, du coup, maintenant, je vous laisse dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, et puis toutes vos remarques. Est-ce qu'on est des bons élèves et on fait d'abord Julien, ensuite Laurie ou l'inverse, ou est-ce que c'est un peu dans les ordres? Écoute, ce qu'on peut faire, c'est je commence par répondre à cette question, puis après je te donnerai 2-3 points que j'ai gardés en réserve pour pas interrompre le flux. Ok. Sur ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, aïe. Ce que j'ai moins aimé, mais c'est normal, c'est le flou, si tu veux, qu'on a encore sur le système, qui me gêne un peu pour faire des choix tactiques. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret que je visualise un peu? Un exemple concret. Alors, un exemple concret. Première discussion avec la vieille. Je te demande sa faiblesse. J'apprends qu'elle est aveugle à la duplicité de son mari. Je commence à décrire un petit peu la façon dont je voyais les choses. Et en fait, on a enchaîné très vite. C'est-à-dire que tu commences à me dire que je peux rajouter quelque chose, que finalement je rajoute pas quelque chose pour pouvoir relancer les dés, si tu veux. Donc, un petit peu de flou à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est un problème de système, parce que le système n'est pas possédé, ou si c'est parce que simplement on ne s'est pas compris à ce moment-là. Et ce qui fait que j'ai eu la sensation d'avoir dépensé le point de clairvoyance un peu pour rien, parce que sans avoir eu le temps de l'exploiter. Alors, en fait, c'est peut-être une question de choix. Hein. Je réexplique les règles. C'est tu peux comment si tu veux juste lancer les dés au lieu de tu décris, il n'y a pas de prime à la qualité. Et c'est si tu veux relancer les dés que Oui. là tu vas demander le défaut. Sachant que effectivement Ouais, c'est nul. En fait, il faudrait que ce soit l'un soit l'autre, pas une succession, en fait. C'est-à-dire que si tu demandes le défaut et que tu l'exploites, que d'emblée tu gagnes peut-être que tu d'emblée tu gagnes le droit de les deux fois. Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion en fait de décrire la façon dont je voulais exploiter son défaut. Ouais. Voilà. Donc c'est Ouais. peut-être allé un peu vite, mais là c'est le premier exemple qui me vient en tête à ce niveau-là. Sinon, Ouais. sur le fait du nombre d'actions, c'est-à-dire que ça a été clarifié, mais au début ça n'était pas très clair, le nombre d'actions qu'on peut faire dans un tour de jeu. C'est des choses comme ça. L'autre problème de flou, entre guillemets, c'était sur le... Mais c'est normal hein, pour un premier test, c'est sur le choix des rituels lors de la création de perso. Ça a mis un petit moment pour que je comprenne. J'avais pas compris non plus, par exemple, que en dehors des attaques de base, le reste était un rituel. Quand tu as ajouté cette information-là, bah, du coup, j'ai eu d'un coup beaucoup plus d'idées sur le sujet. Sur ce qui m'a plu, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup sur l'ambiance qu'on réussit à mettre grâce au système, en fait. Le côté grognard qui grappille point par point pour avancer avec cette attrition très détaillée, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Pour les remarques générales, c'est à peu près ce que j'avais à dire, pour le moment en tout cas. Ouais, je trouve là où ça a le plus géré, le moment où cette attrition, je trouve, elle a le plus généré de fiction, c'est quand tu te reposes pour gagner de la clairvoyance et que du coup on se rend compte que ça veut dire que, enfin, c'est un peu une interprétation du système parce que c'était pas écrit noir sur blanc là-dessus, mais que du coup tu pouvais pas, t'étais en mode je suis pas vigilant pendant tout un temps. Pendant tout un tour, et du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment que, bon, j'avais déjà en tête que Natacha, elle s'en serait pris à toi parce que t'étais une cible facile, mais là, du coup, je me suis dit, bah, il faut que j'y aille, quoi. Et donc, c'est vraiment un moment où l'attrition, elle a généré de la fiction, je trouve. Oui, Mais oui, oui. je pense qu'il y aurait d'autres exemples, mais c'est le premier qui me vient en tête. Ce qui pose la question de l'équilibrage du système au niveau des caracs, mais peut-être que Laurie a des choses à dire avant qu'on attaque ça. Louis. Alors, ce que j'ai moins aimé, Pareil, hein. Je te dis une fois au début, mais ce sera pour chaque remarque, c'est bien un crash test, hein. On teste un truc qui n'est pas fini. Ouais, bien sûr. Y a pas mal d'infos qui pourraient apparaître sur la feuille de perso, notamment donc les actions qu'on peut faire, enfin les actions Les actions autorisées, là, oui. autorisées qu'on peut faire avec chaque carac. Ouais. Ça peut. Alors, le problème, c'est qu'en faisant apparaître ça, tu guides forcément le joueur à dire ah bah, je peux faire que ça. Mais ça peut aussi lui donner des idées ou gagner du temps. Enfin, mon idée, c'est de gagner du temps. Bah oui, puis ça donne des idées de rituels à créer, parce que du coup, créer un rituel, c'est par exemple créer une attaque non autorisée, quoi. Voilà. Mais faut pas que. Après que le joueur qui l'ait sous les yeux se dise ah bah, je peux faire que ça et qui regarde sa feuille en se disant qu'est-ce que je peux faire. C'est plutôt je reste quand même dans l'idée du fait qu'est-ce que tu as envie de faire et après tu regardes ta feuille pour savoir comment tu vas le faire. Ouais, même c'est si, comme ça que le système le prend, effectivement. Même si c'est un jeu d'optimisation et que tu vas évidemment faire les trucs où tu es quand même bon. Ouais, mais on est dans l'idée de il y a pas de enfin, c'est vrai que formellement, il y a pas de de choses que tu peux pas faire, quoi. Voilà. Je vais prendre un contre-exemple. Dans Sombre, tu peux pas en combat, tu peux pas immobiliser quelqu'un parce qu'il y a des contraintes de genre qui fait que c'est pas possible. Tandis que là, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. C'est juste qu'après, le MJ, il faut qu'il te dise que ah oui, mais ça, ça nécessite un rituel ou ça, ok, mais ça va coûter tant de points, quoi. Donc il y a ça sur la création de perso. Le fait de dépenser des points pour avoir des choses qui vont te rapporter à peu près. Enfin, quand tu vois que déjà, pour avoir une potion, tu dépenses des points de quelque chose pour avoir le rituel, pour que ça te prenne de la place, pour avoir le rituel, que quand tu vas le lancer, ça va te recoûter des points, il faut que ça te rapporte beaucoup. Parce que, ou alors, faut effectivement se dire, je vais le lancer sur quelqu'un d'autre. Ou, ben, je vais commencer par farmer. En fait, à la limite, la partie, elle devrait commencer. Vu dans l'état dans lequel on commence, il faut déjà qu'on farme. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Ouais. Donc, c'est. Et comme en plus, je pense malgré tout que c'est un jeu qui doit fonctionner avec un scénario. Enfin, un scénario, j'ai pas envie de rentrer sur la définition de scénario, mais il faut que le MJ il arrive avec quelque chose de préparé et que là tu y allais à l'impro en fonction de ce qu'on allait faire. Ouais, je. Enfin. On n'était pas plongé dans le vif du sujet tout de suite, ouais. Donc c'est vrai que sur le premier tour, quand tu as commencé à dire bon ben là il y a un ordre, qu'est-ce que tu fais? Il n'y avait pas vraiment d'enjeu, du coup je me suis reposé, surtout que j'étais le premier en plus. Donc je pense que s'il y avait eu un scénario, on serait peut-être rentré. Tu vois, une petite intro, histoire qu'on commence un peu plus dans le vif du sujet. Sinon, forcément, le joueur il va dire je me repose, d'entrée. Après sa création de perso, il commence, il est déjà fait. Mais c'est pas. Ouais, enfin, après, est-ce que c'est. La question, c'est est-ce que c'est gênant, quoi? Bah, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que si c'est pour qu'il passe deux tours à se reposer et qu'il revienne à fond, autant commencer à fond directement. Quoi. Bah, pff, est-ce que tout, l'intro est-ce que a toi, assez pendant vite qu'on décollé, quoi. Bon, s'il y a peut-être eu un temps de flottement au début, mais. Oui, mais est-ce que toi, le fait qu'on se repose au début, ça te permet de déjà construire quelque chose avec tes PNJ, tes figurants et Bah, ça. Ça nous incite à. Pas trop nous reposer d'entrée en fait. Ça a permis que je me prenne une attaque en étant déjà un petit peu vulnérable à cette Oui, attaque. je suis Mais d'accord. bon, vu la puissance en face, de toute façon, j'aurais été reposé, ça aurait été pareil. Voilà. Donc voilà, c'était le sentiment et effectivement. De dire bah, plutôt que de créer des trucs qui donnent des points, créer des trucs qui donnent des opportunités ou des attaques interdites, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant en même temps. J'ai. C'est du détail. Dans ce que j'ai aimé. Je sais pas si j'ai autant de liberté que... À la fin, si. Je pense que j'avais à peu près compris le système, j'ai à peu près optimisé mon perso, et l'attaque de la tour, je me suis dit, on va voir si je peux vraiment me lâcher. Étant donné que t'avais plus de points, j'ai fait un peu ce que je voulais. Et je pense pas qu'avec Dédé, j'aurais pu faire ça. Mais... Ça a l'air de pouvoir faire des trucs assez énormes quand ça marche bien. Enfin, quand tu t'es bien préparé, tu dois pouvoir faire des trucs. Ouais, l'idée, c'est d'être sur un système où, bon, il y a pas de... On est en forget game balance quand même, mais pour autant, le MJ peut pas comment tout le temps mettre en face une adversité démesurée, parce que il y a un moment, s'il a sec de points, il est censé passer en temps de repos, puis donner une récompense à tout le monde, quoi. D'accord. Donc l'idée, c'est de récompenser quand même la préparation des... Enfin, si les persos se préparent et si, entre guillemets, ils laissent le MJ éroder, en fait. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai été... finalement, cette attaque de la redoute, j'ai mal préparé parce que j'ai fait plein de... j'ai grillé plein de points, tu vois, j'ai grillé des points pour créer le vieux, pour créer Natacha, que si je les avais économisés en face, vous auriez eu une équipe nettement plus préparée, quoi. En fait, j'ai l'impression que ce qui manque, c'est effectivement mais ça, c'est enfin, ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu moi, c'est ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, c'est attention à pas dépenser les points d'adversité n'importe où, n'importe comment, parce que sinon vous pouvez faire capoter les enjeux importants, quoi. Ouais, mais justement, je trouve intéressant que le MJ, dans l'esprit des dés, pour moi, il y a une compétence du MJ, justement, à... Enfin bon, c'est, enfin ouais, tout à fait. Je trouve intéressant qu'il y ait une compétence du MJ à gérer son adversité. Petite question à ce sujet. Tes points d'adversité, tu peux en regagner en déclenchant cette récompense, c'est ça? Oui, il y a une autre façon d'organiser, c'est en vous en looter du matériel. Ok. Donc si je vous fais par exemple. Ouais, à la limite, tu vois, si par exemple Natacha et le mari, je les avais mis carrément de votre côté, puis que j'aurais donné des carac pour vous aider, tout ça, j'aurais pu récupérer des points d'adversité comme ça. Ou si je vous fais récupérer, je sais pas, du matos qui coûte, mais que je vous file gratos, je sais pas, 10 cases de matos, je me récupère 10 points d'adversité, quoi. Donc ça demande un apprentissage du point de vue du joueur et du MJ, ce système-là. Ouais. Ouais, l'idée, c'est ouais. Ce que tu mets, gérer le combat comme un sport. Ouais. Ok. À propos justement de ce qu'on disait sur ce que Laurie disait sur le fait de faire commencer les personnages déjà fatigués, je me demandais si ça ne pouvait pas être intéressant d'associer, comme ça se fait beaucoup dans ces choses-là, un matériel de base en fonction de ta classe et ou des factions et religions, ce qui permettrait d'avoir un certain nombre d'éléments qui te prennent des cases mais qui ne te coûtent pas de points à avoir au départ. Voilà. Je sais pas ce que... C'est assez à méditer. Hein. C'est vrai que déjà, vous avez pris, tu m'as pris de court quand tu m'as dit est-ce qu'on a un kit de survie. Puis je me suis dit, c'est pas prévu, mais en même temps, ça paraît bizarre que les mecs ils partent en slip, quoi. Vu comment ils sont, et du coup c'est, j'en étais amené à dire que vous avez un kit de survie, mais tant que vous le décrivez pas, vous pouvez pas vous en servir pour autre chose que des actions type monter un campement, quoi. Comme la bouffe, quoi. Donc avoir du matos de classe, je pense que effectivement ça paraît assez dans une même continuité, ça pourrait être quelque chose pareil qui coûterait pas de cases. C'est-à-dire qui serait pas noté, t'as ton kit de classe. Bon, après, si tu veux quelque chose de... En fait, par exemple, à toi, en tant que gastromancien, oui. Je pense qu'il y a... On aurait pu dire que de toute façon, t'avais du matos de cuisine, et les batteries, c'était juste un multiplicateur, mais tu vois, t'aurais pu faire 100. Ouais. Ouais, d'accord. T'avais de quoi Tu faire vois, en fait, 100, il quoi. faut pas qu'à la création, le mec, il crée un perso qui soit injouable parce qu'il a oublié un truc de son matos, quoi. Ouais, donc je pense que ouais, donner des kits mais qui sont même pas, t'as même pas besoin de les noter, ils sont pas, enfin ils prennent pas de cases. Donner le kit de base et puis des kits de classe, tout simplement quoi. Voilà, ça me paraissait intéressant. Tu peux une ration nourriture au moins parce que Ah bah non, là j'ai pas envie, moi je trouve vraiment sympa le fait de devoir aller scoltiner la chasse, tout ça, et si j'ai pas envie que si les persos ils veulent démarrer avec des rations, pour moi il faut que ça se paye quoi. ouais, mais alors faut que ce soit enfin que ce soit un jeu où ça se paye, ça c'est évident. Par contre, le se reposer en dext et devoir manger, c'est-à-dire que si à la création t'as pas pris de bouffe, il faut déjà que t'anticipes que tes premiers tours, ça va être d'aller récupérer de la nourriture pour pouvoir aller. Ouais, tout à fait. Et si tu connais pas le système, quand tu crées le perso, déjà tu te grilles la dext. D'autant plus que effectivement, il y a quand même des caracs, en particulier la clairvoyance, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très importantes. Et tu te mets vraiment dans la merde à pas les prendre au départ, hein. Ouais, c'est clair, ouais. T'avais pas vu beaucoup en clairvoyance, tu l'as payé, quoi. Et en dex, pareil, et c'est vraiment ce qui Ouais. m'a coûté très très cher. Ce qui n'est pas forcément un problème, mais peut-être faut-il donner des. Je me demande si t'as pas besoin d'un élément conseil de création, si tu veux. Bah en même temps, vois-tu, je pense que c'est pas dans l'esprit OSR, quoi. Dans l'esprit OSR, ben, t'apprends les règles dans la douleur, quoi. Et je trouve ça intéressant aussi que en fait, la première partie, elle soit là, justement. En fait, là, c'est, du coup, ça fait une première séance, qui est en fait un tutoriel, quoi. Hein, D'accord. je rappelle que je cherche pas à faire un jeu, enfin, on n'est pas du tout sur du jeu forgien où tout est pré-mâché et tout, et Ah on non, est là non, c'était pour le, pas. ouais, tu vois. Après, il faut pas que si tu crées un perso qui soit nul, si tu joues en Ouais. campagne, il faut pas que tu te trimbales toute la campagne, sinon la prochaine action, je saute de la falaise et genre. Bah, c'est comme du DD, à la limite, tout simplement, tu dis. Je pense qu'il peut y avoir une règle simple de dire, si tu veux lâcher ton perso, en fait, tu refais, tu recrées un perso, je vais faire une règle, bah, déjà, tu récupères des points de caractère qu'il a, et puis tu recrées un perso, quoi. Ou tu recrées un perso avec les points de base si tu trouves que t'as pas assez de points, mais. Est-ce deuxième Simplement, quoi. Hein. Je veux dire, quand on joue à DD, ça t'arrive, tu foires ton perso. Tu crées un perso, Oui, mais c'est clairement, clair, c'est tu te rends clairement compte qu'il n'est pas un des optimisé. trucs les plus courants Bah, tu vois que avec je trouve le beaucoup MJ, plus bon, courants. bah, je recrée un perso, quoi. Pas forcément, si le MJ est encore en vie. Ouais, bah, là, du coup, là, par contre, ouais, effectivement, je pense qu'il vaut mieux que ce soit autorisé, enfin, dans la base. Parce que si le MJ crée un minimum quelque chose en fonction des PJ, on va recommencer. Ouais. Si tu as une création aléatoire, tu lances les dés pour les stats. Bah évidemment, si tu n'as pas fait de assez haut dés, tu recommences. Et puis dans ce cas, tu t'arrêtes quand tu fais 18 à tes 6 carac. Oh, mais il n'y a pas de création aléatoire là. Oui, je suis d'accord. Mais à des dés, c'est pas ton perso ne te plaît pas, tu recommences, quoi. Parce que tu as une part aléatoire. Tu peux pas aller, tu. Oui. Bon, après, bon, ouais, je vois. Donc, effectivement, après, quand tu traînes un boulet tout le long, ça m'est déjà arrivé sur certaines campagnes, t'as pas envie de jouer ton perso. Tu traînes ton boulet pendant toute la campagne. Surtout, surtout si dans le groupe, tu as des gens qui savent le faire très bien et des gens qui débutent. Là, Ouais. ça te fait un déséquilibre qui gâche une partie du plaisir. Hein. Enfin bref, à propos de cet équilibrage, justement, est-ce que ça te va que la clairvoyance soit aussi importante dans le jeu? Et quasi incontournable? Je sais pas, je peux pas encore te répondre pour le moment. Ok. C'est vrai que là, sur le premier test, en fait, on l'a beaucoup utilisé. Mais ouais, je pense pas que ça me dérange parce que c'est quoi Sur de... un scéno qui est un peu plus de magie et tout ça, je pense qu'on peut se faire défoncer à un coup d'emprise des égrégores. Ouais, je pense que ça va dépendre de peut-être des situations, quoi. Ouais, mais Ouais. tu auras toujours besoin de clairvoyance pour mesurer la puissance de ton ennemi et savoir comment tu vas gérer la chose. Tu peux aussi pas dépenser. Enfin, c'est qu'un point. Tu peux avoir 4.4 en clairvoyance, tu dépenses un point pour savoir à quoi ressemble ton adversaire. Ah Donc, oui. tu dépenses un point et puis tu vois qu'il est faible en je sais pas quoi, tu bourrines à coups d'emprise, quoi. À condition d'avoir préparé les rituels qu'il faut, qui ne servent qu'une fois. C'est où les attaques autorisées? C'est dans attaque 22, page 22, je crois. Après, tu vois le rituel de bouffe là? Ouais. Ultra décisif dans la partie, quoi. Ah bah complètement, complètement. En même temps, il a été payé cher, quoi. Et je sais plus, Laurie, t'as fait un rituel aussi, je crois. Hein. Ouais, je me suis rendu invisible histoire de me dépenser, mais quand j'ai vu ce que ça coûtait, je me suis dit je vais pas en faire, et puis je me suis dit je passe quand même à côté de donc on est là pour tester, mais à créer, je m'embêterai pas avec ça, quoi. Bah, trois cases, Bah, ça peut être bourrin quand même, l'invisibilité, hein. oui, je me suis dit ça quand c'était que des histoires de on récupère des points de carac. Donc, je me suis dit je dépense pas des points pour récupérer des points, quoi. Ça, effectivement, l'invisibilité, c'était beaucoup plus. Après, Mais ouais, ça en veut dire fait, du coup. que les PNJ, ils auront ça aussi, quoi. Ouais, bah, par exemple, Charybde, elle était cachée, quoi. Elle était pas invisible, c'était niveau 1, quoi. Elle était juste cachée. Ben, je pensais qu'il aurait fallu que je fasse une attaque de clairvoyance pour la trouver. Non, c'est juste claquer un point de clairvoyance. Donc à un moment, tu m'as dit, je t'avais dit que tu surveillais, je sais plus quoi. J'ai dit, bah écoute, ça te coûte un point de cla et tu l'as trouvé, elle est cachée, quoi. Ok. Furtif, il aurait fallu que je fasse quoi? Furtif, c'est pareil, sauf que la différence, c'est que le perso, il peut se, comment, le gars, il peut se déplacer. D'accord. Et invisible, il fallait quoi? Invisible, tu vas le capter, mais dès qu'il revient à son round, il redevient invisible, quoi. Donc il peut se barrer ailleurs, tu sais plus où il est, quoi. Et donc, il faut que tu scannes toutes les marelles pour le retrouver, quoi. Ah oui, ça veut dire qu'il peut se barrer plus facilement. Mais scanner toutes les marelles, c'est pas compliqué, hein. Tu te déplaces d'une case. Vu que tu dis pas je cours, t'as pas de notion de temps en fait. Donc si tu te Ah, déplaces. c'est pas compliqué, mais ça coûte cher en points de cla. Tu veux scanner une marelle, ça te coûte un point de cla. Donc si tu veux Ah oui, scanner d'accord. 3 marelles, bah ça coûte 3 points de cla. Ah oui, tu veux dire que même si j'avais pas trouvé Carib, j'aurais dépensé mon point de clairvoyance. S'il Ah avait bah pas été ouais. à cet étage-là, en fait. Ouais, tu dis ouais, tout à fait, tu scannes la marelle, bah écoute, y a rien, c'est clean. Bah super, ça t'a coûté un point de cla pour rien, quoi. D'accord, ok, j'ai eu du cul. Ok, comme ça c'est plus propre. Bah, t'as pas eu que du cul en fait, parce que je pense que stratégiquement ça a été malin de se dire c'est quand même bizarre qu'il y a un étage où il n'y ait rien, quoi. J'ai pris le premier, j'ai fait le cœur. Il y en aurait 15, j'aurais fait le 15. Je voulais pas me prendre un coup de Famas dans le dos. Ça, mais ouais, je reviens sur invisible, mais c'est vraiment un cas particulier. De toute façon, je peux me déplacer que de 3 marelles. Donc, pour me retrouver, tu te déplaces d'une case, tu fais clairvoyance, tu te déplaces d'une case, tu fais clairvoyance. Oui, Ça parce t'a que là, on était dans une situation, enfin, tu vois pas forcément le plan, mais je pense que vous l'avez bien visualisé, on est dans une tour. Ah Donc, oui, parce en que fait, il y a les marelles, c'était des marelles alignées, donc à la effectivement, queue leu, c'est ça. il n'y avait pas grand-chose à scanner. Mais encore, ça aurait pu se compliquer, parce que là, par exemple, j'avais créé une nouvelle marelle qui était la meurtrière, où elle était planquée. Donc, en fait, la tour en elle-même, il y avait cinq marelles, dont une qui n'était pas alignée avec les autres. Donc, des fois, ça devient compliqué de. Et puis, si on est dans un territoire de combat vraiment éclaté, ça devient vraiment compliqué. Et là, on parlait d'apprentissage du MJ. Je me suis rendu compte que ce qui les a foutus dedans, les colonels Bouttefeux et compagnie, c'est que j'avais pas bien retenu que vous aviez des armes de tir. Et du coup, j'ai créé un truc en enfilade, quoi. Où en fait, du coup, il y avait une enfilade de vue, sur tous les étages, tu voyais tout ce qui se passait. Oui. Parce que c'est le fonctionnement de base d'une marelle, c'est une enfilade de vue. Et je me suis dit, bah non, j'aurais dû faire des marelles spéciales. qui fait que en fait, enfin, ou des bras de marelle spéciaux qui faisaient que tu voyais pas ce qu'il y avait de l'autre côté, quoi. En disant, bah c'est un escalier en colimaçon, t'as vu, elle porte pas loin. Et là, vous auriez dû faire étage par étage, et là, j'avais moyen de vous cueillir et de vous faire mal. Donc en c'est même temps, c'était intéressant un parce que clocher d'église. Hein. Pardon? C'était un clocher de l'église, c'était logique aussi. Hein. Ouais, après la logique c'est une chose, mais bon, j'aurais pu bidouiller en payant des bras de marelle plus cher, et puis en disant ouais, il y a plein d'angles morts qui fait que quand t'es au rez-de-chaussée, tu vois pas. Il y a quand même Julien, il a quand même séché le colonel. Depuis le rez-de-chaussée, il a séché le colonel qui était au troisième étage, quoi. Je pense que j'avais moyen de décrire des angles de vue, des angles morts qui fait que c'était pas possible, quoi. Oui, parce que c'était pas évident pour moi que je puisse le voir depuis le rez-de-chaussée, justement. Bah oui. Et ça m'aurait pas coûté cher, en fait. Il y a des trucs qui m'ont coûté cher, qui m'ont pas rapporté grand-chose. Bah, notamment, j'ai créé les caracs de Scylla qui s'est fait défoncer, qui a même pas pu passer un coup. Et tu vois, les bras de Marel, ça me coûtait 1 point par bras, et là, je foutais vachement dans la merde. Bah, l'initiative où c'est chacun son tour à la queue leu-leu et tu peux rien faire contre. En fait, je croyais que la clairvoyance c'était limite, mais c'est pour ça que j'avais boosté la clairvoyance. Ah ok, ouais, non. Et c'est clair que voilà, t'as agi le premier, Tu c'est peux faire terminé, mal, quoi. ouais. L'ordre qui soit défini par quelqu'un, c'est rigolo, mais c'est vraiment un aspect tactique hyper important. Si les joueurs ne mettent pas un joueur en dernier, c'est le MJ qui récupère la main et il faut pas qu'il la rende. Ah bah ça c'est au joueur de comprendre ça, mais bon, je pense que ça se comprend assez vite en fait. Ah oui, voilà. Bah. Là où ça devient sympa, je pense, c'est quand il y a des situations de PVP dans le groupe, où à mon avis, c'est difficile de se dire je vais agir en dernier ou je vais faire agir un mec en dernier en qui j'ai pas une confiance ultime, quoi. Mais c'est vrai que si on joue sur du coop, tu fais forcément ça, hein, tu fermes, il y a un mec devant, un mec derrière, et puis tu mets les PNJ au milieu. Ben là, le premier tour dans l'église, c'est clair que j'ai mis tous les PNJ au premier pour qu'ils perdent un tour. Et comme tu peux jouer en dernier et te remettre en premier, tu as 2 tours d'affilée en combat. Moi, j'y allais pour faire 3 attaques de force, 3 attaques de dex. Hein. Ah, tu peux pas en fait. Alors les attaques, c'est une petite exception à la règle. C'est tu peux pas faire. Tu peux faire que 3 attaques, même si c'est des attaques différentes, tu peux en D'accord. faire que trois dans le round. Ça marche. Parce que sinon, effectivement, le mec qui a des rituels pour faire des attaques dans tous les sens, il se transforme en moulinette, il fait 9 attaques dans son round, là c'est Mais juste risible, quoi. le mec au corps à corps, regarde, qui se déplace, il fait une attaque, il se redéplace, il ne peut pas attaquer. Il a dépensé 3 points de force. Le mec à distance, il attaque, il attaque, il attaque. Il fait 3 attaques. Bon, c'est assez classique dans ce genre de système, hein. Ah oui, Après, il c'est. bouge pas, quoi. Il attaque, il bouge pas, parce que comme ça lui coûte des ouais. Puis Ouais. le temps, le ouais, la, aussi le ce qu'on a décidé en fonction de si on a un temps de combat ou un temps de placement, ça change beaucoup les choses aussi. Donc là, on n'a pas fait de temps de combat, c'est ça que t'as. Ouais, c'était un temps de placement là. Parce que j'avais pas anticipé qu'on arriverait direct comme ça à de la baston sèche. Du coup, je me suis dit, on l'aurait fait en temps de placement. Finalement, j'aurais fait en temps de combat. Bon, ça aurait pas changé grand-chose, hein. Juste. Moi, je les ai dégommés en un tourage. Ouais. Mais je sais pas si, je sais pas si c'est justement le fait que ce soit très létal, ou justement tout, tu vois, un combat, ça se joue en un tour. Je trouve pas ça inintéressant. Bon, de toute façon, c'est clairement, je savais que le système menait à ça. Je l'ai constaté là en jouant. Mais je trouve que ça donne une ambiance. C'est ce que je t'ai dit en fait, vu que quand tu attaques, ton attaque est supérieure à la défense. À part le cas où la cible est supérieure à l'attaque, tu dégommes le gars en un coup. Enfin, tu le dégommes, tu mets en vulnérabilité en un coup. C'est assez facile, ouais. En vulnérabilité, t'en as un deuxième qui passe derrière, quoi. Ouais, surtout que là vous avez eu de la chance dans les tours, comme vous avez, du coup vous aviez pu, t'as pu, parce qu'à un moment tu pouvais pas passer bout de feu en vulnérabilité, parce que t'étais à sec de points. Et puis du coup Julien il a pu passer derrière, donc là c'était ça tombait bien au niveau des tours. Bah, j'ai pas choisi l'ordre non plus pour rien, quoi. Enfin, Ouais. c'est que j'ai mis tous les gars en premier et moi en deuxième. Et derrière, je pensais qu'il allait me remettre en premier et lui en deuxième. Non, parce que je pensais que c'était plus intéressant de faire se barrer les autres, et c'était plus décision, enfin c'est une décision qui était à moitié tactique, à moitié vis-à-vis de la limitation que je m'étais chopée. Oui, enfin, je parle des gardes et qui arrivent ici, là, et le mari et Natacha, un peu à part. Alors moi j'avais encore une question qui n'a rien à voir. C'est par rapport aux missions et aux objectifs personnels. Parce que finalement, en me donnant une mission au départ, je me suis handicapé vis-à-vis des XP. Mais c'est surtout que tu as pris une mission qui est pas possible en 10 minutes, quoi. Tu me Ah rappelles, oui. c'était quoi ta mission? Donc, la mission bras. Trouver un moyen pour faire repousser le bras, quoi. Voilà. Après, en temps de repos, à Noirmont-Ferrand, t'avais 10 000 fois, t'as eu plein de fois l'occasion de dire, bah écoute, je vais essayer de trouver une sorcière, pour faire ça, quoi. T'as fait le choix de t'y désintéresser quelque part aussi. Oui, non, parce que j'avais pas la sensation que c'était aussi simple que ça, si tu veux. C'était problème de perception du temps et de perception des possibilités, en fait. En Si effectivement tu me réponds ça, je me dis, ok, pas de souci, effectivement, j'aurais pu. fait, il n'y a rien qui est simple parce que forcément, ça te coûte quelque chose. Mais il n'y a rien qui est virtuellement impossible, quoi. Ce que tu dis, c'est que l'initiative d'aller chercher cette mission aurait dû venir de moi. Bah ouais, tout à fait. Bah il y a une Voilà. carotte au bout du truc, dans le sens où. Alors c'est vrai que moi je gagne des points. Quand tu te fais des missions, je gagne des points d'adversité. Ouais. D'ailleurs, je suis même pas sûr de les avoir tous pris. Je pense que j'aurais pu me gaver un peu plus. Mais pour autant, après, moi en tant que MJ, je suis censé jouer certaines de vos missions, mais je vais pas toutes les jouer d'un coup, c'est pas possible. Non, non, bien sûr. Ouais. Bien sûr, mais c'était un petit peu le contrat de ce point de vue-là. Comment est-ce que tu gères ces missions personnelles? Est-ce que c'est au joueur d'aller les chercher et le contrat, c'est que tu lui ménages du temps pour qu'il les réalise? Pas que ce soit facile, hein, Ouais. mais que ce soit possible. Ou que si le joueur a choisi une mission, tu t'arranges pour que bah, C'est c'est ça, plutôt il y le ait la premier. possibilité de le faire, quoi. Mais C'est bon. plutôt le premier en fait. Ouais. C'est-à-dire que du moment que le joueur il met ça dans son agenda, effectivement, il faut que ce soit réalisable. Parce que tu verras des parties de jeux de rôle tradis où il y a un mec qui se donne cette mission-là, puis le MJ, comme ça l'intéresse pas, jamais on y arrivera, quoi. Ben Ce sera justement. jamais. Tandis que là, il suffit en fait, il suffit, t'es en ville, tu dis je cherche une sorcière qui serait capable de ce genre de qui serait capable éventuellement de faire repousser des bras. Tu dépenses un point de cla et je suis obligé de te donner un indice pour la trouver, quoi. Ok. Mais tu peux pas botter en touche en disant non, il n'y en a pas. Hop, ça t'a dépensé un point Ouais. clair. Moi, ça m'a fait penser à pas mal de jeux. Notamment à Mouseguard. Et effectivement, dans Mouseguard, Des joueurs. il y a le tour des joueurs. Et effectivement, ce sont les joueurs qui disent bah, voilà ce qu'on va faire, quoi. Et la réponse que tu fais à Julien, là, ça me fait penser à ça en disant bah, voilà, tu t'es créé une quête. Vas-y, hein, t'as des tours pour ça. Quand je te dis que fais-tu, c'est Ouais, parfait, clairement, quoi, le quoi. temps de repos, c'est une sorte de tour des joueurs. Parce que, vrai, dans Mouseguard, c'est pareil, il est consacré à la fois au repos puis aux enquêtes perso, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. T'as le tour du MJ où t'en prends plein à la tronche, et t'as le tour des joueurs où tu peux essayer de t'en remettre, chercher à te rééquiper, ou faire tes quêtes, quoi. Ok. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que tu dois expliciter ou pas, encore une fois. On en revient à la quantité d'informations disponibles pour le joueur et. Alors, je pense que Parce que c'est pareil, je veux pas. Comment? J'essaie de faire du ruling not rules. Donc ça veut dire que il faut pas que la partie commence par un briefing de 1 heure sur les règles. Non, c'est pas ce que je Par voulais contre, dire. je pense que ce qui est fertile, et ça je crois que c'est écrit dans les. Il me semble que c'est écrit déjà dans les règles. C'est que là, ce qu'on est en train de faire, de débriefer, où en fait vous êtes en train de dire ah oui d'accord, ça se passe comme ça, on aurait pu faire comme ça, c'est systématique. OK. C'est-à-dire que c'est écrit que à la fin de la partie, le MJ, il doit prévoir un débriefing avec les joueurs. Et là, du coup, tu vois, l'apprentissage des règles, il se fait aussi à ce moment-là. Ça marche. On apprend en jouant. Tu testes des stratégies, ça marche pas. Tu te rends compte que ah putain en fait la clairvoyance c'est vachement utile. C'est clair qu'il va falloir que j'optimise pour monter ça à bloc. Et ça peut aller vite, hein. Tu fais un entraînement, tes 6 points de mémoire, tu dis bah ok, bah, je vais avoir 6 points en clairvoyance. Je vais plus me faire baiser comme ça maintenant. Et je pense que le débriefing c'est une façon assez organique aussi justement de réapprendre les règles avec les joueurs quoi. Ce qu'on Tu faisait à crois en DD aussi, comprendre hein, je sais pas, quand tu joues à DD, il y a toujours un moment où on se pose, on discute sur les règles. Ah ouais, mais en fait, c'est trop cheaté de faire comme ça. Là, j'ai fait ça, mais c'est vraiment une stratégie perdante. Et puis le MJ te dit, oui, mais en fait, tu peux voir les choses autrement. ouais. Est-ce que tu donnes les clés au MJ du coup dans le bouquin? Ou est-ce qu'il doit les trouver lui aussi de son côté par interaction avec ce que font les joueurs? Bah, je vais donner des clés, mais je pense que tu peux pas donner tout parce qu'en fait, on est sur des jeux tradis, c'est-à-dire des jeux qui sont complexes. Oui, bien sûr. Des jeux qui sont complexes où clairement, des fois, l'explication de règles pourrait prendre 30 fois plus de signes que les règles en elles-mêmes. Donc, je verrai. J'en sais rien encore parce que je veux dire, là, c'est le premier playtest, j'en suis pas à savoir à quelle forme le bouquin final prendra. Mais je sais pas si c'est intéressant de tout noter quoi. Je pense que c'est sympa aussi que le MJ justement il apprenne par lui-même quoi. Ah bah c'est plus accessible en y allant petit à petit de toute façon, hein. Et ça Ouais. développe cet aspect que tu voulais mettre de skill du joueur et du maître du jeu, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Dans le jeu forgéen, bon après, sans doute que je fais des gros blocs qui n'existent pas. On va dire dans la caricature que je vois du jeu forgéen, c'est un jeu qui donne effectivement toutes les clés aux joueurs et toutes les clés au MJ. Et où en fait, il n'y a pas d'apprentissage à faire. Bon, sans doute que j'exagère. Et le problème, le pro enfin, le, on va dire, imaginons que tu conçois un jeu comme ça, le problème que tu fais, c'est que soit tu crées des jeux où en fait il y a beaucoup beaucoup d'explications de règles, tu fais type Burning Wheel, ou alors tu fais des jeux tout simplement dont on a fait le tour des règles au bout d'une séance, et dont en fait la replay value est faible en fait. Parce que ce qui fait qu'on a envie de rejouer, c'est aussi parce que on n'a pas fait le tour du potentiel des règles. Mais tu prêches un convaincu, hein. Ou alors si le potentiel des règles est épuisé rapidement, il faut que le jeu il offre quelque chose de fort à côté quoi. Est-ce que vous avez autre chose? Parce que ça fait déjà un bon sandwich là. Non, j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que tu connais la bonne ou pas? Oh bah tu m'as déjà expliqué, je connais de ce que tu m'as expliqué. Ouais. Les histoires de points d'adversité, là. Il me semble qu'il y a ça dans Agon, ouais. Dans Ouais. Abstract Dungeon aussi. À éventuellement piquer pour faire regarder, quoi. Mais du coup, c'est la première fois que je joue avec ça. Je trouve l'intérêt, c'est que ça apporte une sorte de balance karmique dans le sens où en début de partie je vous ai mis la tête sous l'eau quand même pas mal et du coup je l'ai payé en fin de partie où j'avais vu comment allait la fiction, c'était difficile pour moi de décréter un temps de repos pour vous filer de filer des pattes, vous aviez le droit de les refuser. Ben, mettons avant l'attaque de la redoute, parce que j'ai dit on attaque la redoute. J'aurais aussi pu me dire, ah ouais, mais non, là, j'ai déjà claqué la moitié de mes points d'adversité. Si je fais un calcul rapide, mes PNJ vont être tout mous, quoi. Et donc j'aurais pu dire, bah écoutez les gars, vous voulez pas attaquer la redoute un temps de repos plus loin, je vous file un point de mémoire. Ah non, remarque, j'aurais même pas pu. Ouais, si, j'aurais. Bah non, j'aurais pas pu. Les règles interdisaient. Donc, du coup, j'aime bien ce côté-là quand même. Qui fait que si t'as pris quand même bien cher au départ, il y a un moment, tu vas pouvoir un petit peu roxer. Et puis, ça rentabilise, on voit bien dans l'histoire. Les persos, ils ont investi beaucoup pour préparer l'attaque de la redoute. Et puis, finalement, ça a payé, quoi. Ouais. Et ça renforce bien le sentiment de commencer avec un grognard fatigué mais compétent. Ouais. Ça, je savais pas encore comment gérer, mais j'aime bien cette idée. Ouais, tu commences. D'ailleurs, tu peux dire, bah moi, je préfère commencer frais. Je suis en slip. J'ai juste les kits de base. J'ai des rituels qui sont pas prêts, tout ça, tu vois. Et je vais me servir. Je vais prendre ce qui vient. Mais du coup, c'est la façon de jouer va être différente, quoi. Bah écoute-moi, pas d'autres remarques. Et merci beaucoup à toi. Bah non, mais on s'est bien amusé, donc c'est le principal. Et puis j'aime bien ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un style de jeu qui soit différent des jeux que j'ai déjà fait dans le même univers, ou que j'ai déjà utilisé comme Sombre, dont je suis pas l'auteur. Donc pour ça, je trouve que ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression, enfin, si je me mets un peu dans votre peau de joueur, j'ai pas l'impression que vous jouez de la même façon que vous joueriez dans les autres jeux. Par exemple, tu vois, Laurie Influenza. Bah, pour moi, là, dans là, Florence, tu agis pas du tout de la même façon. Avec des points dépensés, t'es pas là pour créer de l'histoire, quoi. T'es là parce que t'as X qui est supérieur à X de l'autre et tu veux le faire, quoi. Ouais, pour autant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'histoire. Non, non, je suis d'accord, mais j'ai envie de dire, le but, c'est pas de savoir comment tu vas mourir, c'est de savoir comment tu vas gagner, là. Ouais. T'as une mission, ton objectif, c'est de la réussir. Une Florenza, t'as une mission, c'est pour lancer un décor, un théâtre, pour jouer les persos dedans, et puis on va voir comment ils ressortent de tout ça. La mission, on peut l'acheter en cours de. Enfin, les parties de Florenza qu'on a fait ensemble, il y avait une mission de départ, et puis à un moment, le joueur est suffisamment dans le théâtre et dans son personnage pour s'attribuer sa propre mission, quel perso. Ouais, parce que du coup, il n'y a pas de. En fait, la mission, s'il y a une mission de groupe, il n'y a pas de récompense pour accomplir cette mission, en fait. C'est ça qui fait toute la différence, quoi. C'est qu'est-ce que t'as envie que ton perso il soit, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. La seule récompense que tu peux avoir, c'est par rapport aux objectifs de ton perso. Et là, voilà, tu gagnes de l'XP si tu fais la quête, voilà. Ton objectif, c'est clairement de gagner de l'XP, hein. Tu joues pour ça. Et je trouve intéressant d'annoncer cash, en fait. Si tu fais cette mission-là, ça rapporte tant d'XP. Oui, c'est bien, ça. C'est clairement dans les jeux vidéo où on balance 40 000 quêtes annexes qui sont rapportées. Et ce qui était marrant, c'est que tu vois, on sentait que, bon là ça s'est bien passé, mais par exemple le perso de Julien pouvait être un peu le maillon faible dans cette mission, parce que de une, lui, ça lui rapportait pas d'expérience. Et puis de deux, de toute façon, s'il y avait un magot, il était obligé de le... Enfin, il était obligé, soit il le laissait à Natacha, soit il claquait des points clairs pour pas lui laisser, mais sans doute qu'il savait qu'il allait se faire une ennemie, quoi. Bah, moi, j'ai foncé en haut pour avoir tout le trésor et dire, voilà, on le partage. Tu vois, je crois qu'il y avait quoi, 20 cases, c'est ça que tu as dit? Ouais, 20 cases, ouais. Et ben voilà, je déclare qu'il y a 15 cases et on partage les 15 cases, quoi. Ah oui, c'est marrant, ouais. Et les 15 cases, on les aurait réparties 50-50, l'autre il aurait eu sa part et tout ça, quoi. En fait, je voulais biaiser le partage comme ça. Parce que je voulais déjà, de toute façon, que l'autre il ait ses 5-4. Pour moi, c'était déjà déduit du total. Oui, ça c'était à peu près évident pour moi aussi. Ouais. Oui, je suis pas sûr que c'était évident pour le mari. Non, je suis pas sûr, mais je pense que ça aurait pu justement générer un conflit intéressant. Voilà, donc je voulais avoir tout et répartir. C'est là qu'on voit la puissance des jeux type DD en fait, c'est que la fiction elle se déroule toute seule en fait. Tu vois, toutes les situations de gestion de ressources, les situations que ça peut amener derrière quoi, c'est t'as rien à faire quoi. Et on parlait de préparation, mais pour moi c'est la façon dont je veux concevoir le jeu, c'est pour faire du jeu sans préparation. Il n'y a pas besoin de préparer en fait. C'est tendu, ça nécessite quand même pas mal de compétences du MJ. Ouais, après c'est vrai que bon le souci ouais mais pas forcément enfin si ouais si tu peux préparer tes factions tout ça si tu veux mais moi, ça va vite hein je veux dire Moi je me suis tourné vers d'autres jeux parce que j'en avais marre de préparer pendant des heures Ouais. des campagnes, des univers et des scénarios. En ce moment, je flash sur Agon. Agon, il y a de la préparation. Mais tu es ultra guidé pour préparer tes quêtes. Et une fois que tu as préparé, c'est que du repos pour le MJ et tu t'éclates à jouer. Tu n'es plus en train de cogiter. Enfin, si tu cogites sur de l'improvisation, mais tu cogites sur le moment et pas sur faut que je réfléchisse sur ce qui va se passer après. Tu cogites sur comment réagir sur l'instant et tu vis l'instant. Ouais. Je pense que la préparation qu'il peut avoir, à mon avis, dans ce jeu-là, emprunté Orla, je l'ai pas écrit, mais je pense que je pourrais l'écrire, c'est que le truc que peut faire le MJ s'il veut, il peut préparer ses marelles à l'avance, ses stat blocks d'ennemis à l'avance, et puis si effectivement il peut les amener en jeu, ben il a plus qu'à dépenser les points d'adversité qui correspondent pour les mettre en jeu. Si finalement il n'arrive pas à les caser, bon bah il a pas perdu de points d'adversité, il les a juste pas dépensés en fait. Et donc je pense que tu peux te préparer comme ça des stat blocks, des marelles, enfin et du coup par exemple la redoute, bon là j'ai pas pensé comme ça, mais si j'avais voulu, j'aurais pu la préparer, puis préparer un truc un peu plus chiadé justement à ce niveau, quoi. Mais je trouvais moi je suis pas préparation. Clairement je l'ai fait beaucoup à une époque, mais maintenant je déteste préparer. C'est un truc que je sais faire, mais j'aime plus faire quoi. Et du coup j'étais content de voir. Je pense quand même que le jeu peut tourner sans préparation, parce qu'il y a plein de petites choses typiquement donjonesques qui génèrent de la fiction. Bah tu vois le truc bêtement au début vous choisissez tac, bon bah voilà, direct, ça a amené. Ok, bah alors j'ai une faction, groupe de nomades, qui doit leur donner des missions. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Tac, tac, tac. Et puis tu montes, tu rebondis comme ça, et ça va vite, quoi. Ce que Agon fait en fait, c'est qu'il attribue à partir du moment où tu filmes une quête, qui est l'équivalent de tes missions, un pool de points pour cette quête-là, et ce qui fait que t'es sûr que les joueurs ils vont pas arriver en disant oh bah tiens le MJ il a plus de points. C'est finger in the nose. Ouais, je vois. Dès que tu claques une quête, il y a un joueur qui l'accepte, la quête, hop, le MJ récupère un petit pool de points pour faire 2-3 trucs sur cette quête-là. Ouais, ça peut être une façon de voir aussi. Oui, ou générer un certain nombre de points régulièrement dans le déroulement du jeu. Ça peut être intéressant aussi. Là, tu le fais par les scènes de repos qui te permettent de regagner ton nombre de points de départ. Et tu disais que les joueurs peuvent refuser la scène de repos pour t'empêcher de regagner les points. Bah ouais, je voulais être dans l'idée de dire, imagine la scène de la redoute. Je vous dis, bah écoutez, les gars, vous voulez pas je vous file vos pecs et puis vous pouvez vous reposer. On prend un temps de repos en plus. D'accord. Moi, j'aime bien le. Et je trouve intéressant que les joueurs disent, bah non, là on est crevé, mais on a quand même bien préparé le truc. On veut pas que les mecs, ils, pendant le temps de repos, ils trouvent le temps de s'organiser davantage, donc on attaque direct. Oui, ça, déjà, nous, on se repose et tu viens nous pourrir notre repos. Tu peux te reposer après, quoi. Exactement. Moi, j'aime bien la solution intermédiaire qui consisterait à dire il y a telle étape à réaliser, j'ai un petit pool de points au départ, et après, j'ai tout un total de points que je peux rajouter. Si tu veux, dans une quête, pour reprendre le terme, un nombre de points de départ, puis un nombre de points que tu peux réattribuer comme tu as envie entre les quêtes. Si tu vois, je sais pas moi, une quête à deux cases génère 4 points d'adversité, et en parallèle, j'ai aussi pour cette À 4 points d'adversité, tu fais rien. Non, mais j'ai pas le score en tête. Bah, c'est en fait, un point d'adversité, c'est pour acheter, pour te donner un exemple, c'est pour acheter un score de Karak à un monstre. Je sais pas moi, deux cases te donnent, je sais pas, 20 points ou 40 points d'adversité. C'est ton score de base pour ce truc-là. Ouais. Et ensuite, en fonction tu as un nombre de points flottants que tu peux dépenser sur n'importe quelle quête ou événement du jeu. Ouais, mais je trouve ça chiant, en fait. Je trouve ça chiant. Ça fait trop de jauge. Déjà, honnêtement, une jauge de points d'adversité, c'est assez chiant à gérer. Si tu as plusieurs jauges pour le MJ, enfin, faut aimer ce qu'on est. Je le vois pas comme plusieurs jauges. Je le vois comme... c'est la même chose, en fait. Simplement, ah oui, tu ajoutes à ton pool, quoi. Et puis après, voilà. Tu les dépenses où tu veux, si tu veux. C'est des points flottants qui sont pas affectés à une quête. Alors, je sais pas comment on fait Agon de ce point de vue-là, si chaque quête est séparée ou... Hein, Laurie... Agon, tu prépares donc ta quête. Tu sais combien ça te coûte d'adversité. Enfin, c'est hyper facile à calculer. Hein. C'est le nombre de joueurs fois 5 fois le nombre d'objectifs intermédiaires pour arriver à la quête. Mmh. Et il te conseille d'utiliser... deux tiers ou la moitié, je sais plus, des points dans la préparation et de garder donc un pool pour réagir, improviser en fonction de ce que tu as envie de développer en cours d'aventure, quoi. Mais c'est un conseil, c'est pas une obligation, de même que un MJ qui a peut-être plus envie d'improviser et des joueurs qui ont plus d'imagination pour partir sur des trucs un peu pas prévus, le MJ va se faire moins chier à préparer et il va garder plus de points d'adversité pour réagir. Et un groupe qui suit le truc et le MJ qui a envie de préparer, nous, on dépense, enfin moi je dépense 100% de mes points dans la préparation de ma quête. Sachant qu'en cours d'histoire, le MJ récupère aussi un paquet de points en cours d'aventure, quoi. Parce que, par exemple, dans Empreinte et Orla, imaginons que tu fasses, je sais pas, 2-3 heures de jeu, tu as dépensé tes points d'adversité en tant que MJ, et les joueurs qui ont des cases vides en mission, puisqu'ils viennent d'en résoudre une, te disent, bah voilà, on se met telle mission personnelle, et toi, tu n'as plus d'adversité derrière. À partir du moment où tu as une mission, si elle vaut une case, hop, le MJ récupère... X points d'adversité par case, quoi. Et ça, c'est prévu déjà, c'est ça? Tu récupérais juste un point d'adversité, c'est vraiment pas grand-chose. Oui, pour Orla, oui, c'est comme ça. Mais pour Agon, ça peut être fort en donner plus. Hein. Ce qui fait que, la limite. Et dans la préparation, tu peux juste dire tiens, je fais la marelle du clocher parce que j'ai envie qu'il soit comme ça. Et puis je fais le capitaine, le colonel, parce que j'ai pas envie qu'il soit pas trop pourri, et je vais être sûr que mes points se bloquent la quai. Et puis après je verrai, quoi. Si j'ai plus de points parce qu'on a fait plein de trucs à côté et que les joueurs ils ont préparé super bien leur attaque, et effectivement mes gardes ils sont pourris, mais c'est pas grave, mes gardes ils sont cochons, donc je m'en fous de mettre des points dedans. Si au contraire ils ont rien préparé et qu'ils cherchent que des points, des fameuses, il y aura un garde à l'intérieur et puis des pièges et puis on va prendre plein la tronche, quoi. Mais au moins en préparant tu peux déjà claquer tes points sur les 2-3 trucs que t'as pas envie qu'à la fin il t'ait plus de points, quoi. Que ce soit trop con que t'attaques King Kong a plus de chance, il a plus de points, quoi. Ça peut engendrer un peu de frustration aussi pour les joueurs. Je pensais à une chose, mais peut-être que je pense que je pourrais donner un joker pour le MJ, tout simplement dire qu'une fois dans la partie, il peut faire un régène automatique de points d'adversité. Mais après, est-ce que c'est trop bourrin? Je sais pas. Tout simplement en disant avant l'attaque de la redoute, si j'avais pu dire, parce que là j'étais avant l'attaque de la redoute, grosso modo il me restait 70 points d'adversité. Ou 60, je sais plus, enfin bref. Là j'en ai claqué une bonne moitié. Et si j'avais pu vous dire, bon bah écoutez les gars, bon ça m'arrangeait pas parce que je voulais qu'on la joue en une demi-heure, hein, donc je voulais pas non plus une adversité démesurée. Mais si j'avais pu vous dire, bon bah écoutez les gars, là je force le truc, je vous file un score de mémoire à tous, mais du coup je régénère mes points d'adversité. Là du coup, on aurait été sur une attaque de la redoute beaucoup plus compliquée, quoi. Ok. Sachant que je sais pas combien te coûtent les caracs, mais je veux dire, à partir du moment où j'ai 12 en dext, que tu mettes 5 ou 11 à la force de ton PNJ, je le tue en un coup. C'est clair. En fait, les points d'adversité que j'ai au départ, j'ai autant de points d'adversité que vous aviez de carac. Donc, je crois que j'en ai 74, 75 points en fait. Donc, et c'était ça mon score, quoi. Okay. Donc, en fait, l'idée c'est que en face de vous, j'aurais pu vous mettre, si j'avais fait créer des PNJ avec toutes les caracs, les 8 caracs, j'aurais pu vous mettre des PNJ qui étaient vos miroirs, quoi. Donc en fait, tu as deux PNJ identiques à nous. Ouais. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on les attaque sur plusieurs caracs, tu claques des points. Ouais. Donc il faut, en fait, c'est une stratégie du jeu aussi, ça veut dire qu'il faut multiplier les attaques diverses. Ouais, tout à fait. Du coup, Ouais. c'est le facteur classe avec des rituels qui attaquent sur des points différents. C'est pas mal, quoi. Bah même si tu fais pas de rituel, hein, hop, une petite persuasion en disant rends-toi. Ça Bah, peut marcher, ça, dans le combat, la persuasion et ce genre de choses? ou pas forcément dans le combat, mais tu Ah vois le bah gars si avant. pendant le combat hein, tu peux comment tu dis bah en fait plutôt que de viser la vulnérabilité en constite, je vise la vulnérabilité en morale et puis ouais. D'accord. Comme Karib, il restait plus qu'elle à la fin. Vous auriez pu gueuler, c'est bon, rends-toi, on sait que t'es planqué là. Si on va t'avoir, on va te buter, tu ferais mieux de te rendre. Il y avait moyen, quoi. Pareil, la journée, on aurait pu aller voir les gardes en essayant de discuter avec eux pour les faire parler de combien il y a le magot, enfin le Oui, colonel, bien sûr. il y a paf, tu claques des points. Bien sûr, Et bien sûr. l'MJ, il est obligé de péter un score en face, il a claqué des points, quoi. Voilà. Et soit il a pas envie de jouer ça comme une grosse difficulté et t'obtiens tout ce que tu veux comme info parce qu'il a mis 3 en défense. Bah où je mets pas de défense, c'est je dis bah Amit, je peux très bien ne rien mettre en disant bah ok tu claques un point de clat, je traite le garde comme un figurant neutre, il dit ouais bah il n'y a pas de problème, et il te donne telle info parce qu'il est c'est un gros naïf. Oui, voilà. Puis d'un côté, mais enfin j'ai quand même dû te lâcher du lourd en info quoi. Donc l'idée aussi c'est que le MJ lui aussi il gère une attrition quoi. Bah ouais, très bien. Voilà, tu t'attaques par où tu veux, quoi. Non, mais la question c'était vraiment sur les attaques autorisées. Est-ce que tout était autorisé pendant une phase de Ouais, combat, de tout violence? autorisé, ouais. Ouais. C'est pour ça que je les ai regardés tout à l'heure, tu disais l'emprise et ça sert pas trop, mais en fait tu peux quand même vraiment dire au mec lâche ton arme quoi. Ça marche. Bon, en tout cas, je suis rassuré parce que j'ai la sensation que ça peut fonctionner sans trop maltraiter, enfin sans trop bouleverser ce qui existe déjà. Alors que j'en étais pas du tout sûr avant de commencer à jouer. Bon, il y aura des choses, il y a des choses à caler, mais je pense pas qu'il y ait tant de choses que ça à caler. J'ai l'impression que les concepts de base fonctionnent et que tu as juste des points de détail Ouais. à éclaircir et à retester pour voir, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on n'a pas testées, Bien sûr, bien sûr. et voir les points qui vont manquer. Et j'aime bien le fait de. L'idée, c'était de tout gérer comme un combat, en fait. Et je trouve que ça fonctionnait pas mal. Ça a le défaut, qui n'est pas forcément un défaut dans ce cadre-là, de ralentir la gestion comme tu sens le ralentissement de la gestion dans les combats dans Donjon en fait. Où tu passes de phase où tu vas pouvoir faire des recherches, raconter des histoires, et dès que tu passes en combat, paf, l'échelle de temps change complètement, mais l'échelle de temps réel, pas l'échelle de temps en jeu. Et tu mets 3 heures à créer ton, à gérer ton combat dans les cas extrêmes, quoi. Ouais, mais du coup, c'est ce que je recherchais. Enfin, en fait, j'ai déjà des jeux qui permettent de faire des méga trucs. Et du coup, là, c'est pas ce que je recherchais. En fait, justement, je cherchais cette espèce de décortiquement tactique du temps de jeu, quoi. C'est intéressant parce que c'est une des premières fois où je vois un jeu avec un système de combat, on va dire, social, qui est vraiment intéressant et tactique, sans être, enfin, comment dire, sans être caricatural. Donc, Bah en faut fait, voir ce que ça à donne, chaque fois que je mais. lis sur les forums les débats sur le social, je me suis dit bah si tu veux que le social ce soit aussi intéressant qu'un combat, pour moi la solution la plus simple c'est se dire bah on le gère comme un combat. Oui, absolument. Mais dans Fate, ça marche aussi comme ça. En tout cas, dans Dresden Files. Puisque je crois que dans Fate Core, il n'y a plus de combat social, mais je peux dire une bêtise. Bon, tous les jeux à conflit aussi, en général. Voilà. Et c'est vrai que quand je l'avais testé, j'avais pas ressenti la même qualité. Voilà. Pourtant, j'aime beaucoup Fate, hein. Bah, ça dépend, en fait, c'est peut-être déjà plus un jeu à conflit. Je sais pas si c'est résolution d'action ou résolution par conflit. Bah, ça dépend. Ça dépend. Ok. Il y a les deux, je te dirais. Ok, Si je ok. comprends bien, si je comprends bien ce que tu me demandes, il y a les deux. Ok, je vais peut-être vous laisser parce que ça fait un Ça gros marche. podcast, j'ai pas mal de choses à faire, et puis bon voilà, je vais vous libérer quoi, on va dire. Je vous Ça remercie roule. encore beaucoup, c'était super cool, et puis je vous dis à la prochaine. Ouais, Tiens, t'as deux salut. secondes, Thomas? Pardon, Laurie? Bonjour. Ouais, tu coupes, je t'envoie un message. Je vous laisse. Ok. Salut. Salut. Tu peux couper le direct là ou pas? Oui, je coupe.